Voilà, j'aimerais que nous ayons un débat sur les deux exposés que nous venons d'entendre. Est-ce que, eh bien voilà, je vois une main qui se dresse au fond, s'il vous plaît, madame. Alors, bonjour, je m'appelle Rabia et j'ai une question. D'après ce que j'ai compris, je suis l'égale de l'homme dans l'islam. Je dois faire la shahada, les cinq prières, le ramadan, je dois donner l'impôt et je dois faire le pèlerinage. J'ai les mêmes devoirs et j'ai les mêmes récompenses que l'homme. Ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait que mon témoignage, il vaut moins qu'un homme? Comment se fait-il que je dois avoir un tuteur pour voyager? Ça, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. J'ai les mêmes devoirs et j'ai les mêmes récompenses que l'homme, mais il y a des choses que j'ai moins. Et ça, j'arrive pas à comprendre. Si on pouvait me l'expliquer. Merci. À qui s'adresse votre question? À l'ensemble. Voilà, très bien. Alors, Madame Abdelwahid, est-ce que vous auriez une réponse? Ah oh non, je préfère pas. Moi, Oui. je peut-être après, dans l'après-cours. Oui. Monsieur Al-Adjami? Oui. Ben, vous devez cet état de fait, pas au texte coranique, mais aux confusions qui sont générées autour du texte. D'ailleurs, dans votre propos, vous avez associé deux choses. Une qui est effectivement du texte coranique, mais l'interdiction de voyager seul provient d'un hadith qui est sans aucun point d'accroche quelconque avec le propos du Coran, qui expose un avis. Bon, alors c'est toute la problématique de la construction déjà du sens de l'islam, et en particulier à travers le biais des hadiths, sur lequel on peut être extrêmement critique, il y a de mille façons de l'être. Pour ce qui est du témoignage de deux femmes, ça c'est coranique. Mais le texte lui-même de ce très long verset de la fin de Sourate Baqara, quand on l'étudie de près, parce que si on veut le valider de façon très facile, on va dire, oui, ça veut dire que le témoignage d'une femme. Ça voudrait dire que le témoignage d'une femme ne vaut que la moitié d'un témoignage. Et je vais vous dire, ça n'a aucun sens. Ou bien il vaut rien, ou bien il vaut témoignage. Personne, intrinsèquement, la valeur d'un témoignage, on ne peut pas le quantifier et dire c'est la moitié. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, et toute la construction juridique et même théologique sur ce verset a avalé ce morceau rationnel très rapidement et n'a pas cherché à comprendre ce que pouvait dire le verset. Il est parti sur un non-sens. Sur un non-sens qui, par contre, validait une idée tout à fait misogyne et inégalitaire de la vision de la femme, je dirais pas dans le Coran, mais dans la pensée de l'islam. Parce que j'insisterai toujours sur cette différence entre ce que dit le Coran et ce que les musulmans ont dit que disait le Coran, et maintenant ce que les musulmans disent, ce que l'on dit que l'on dit. Mais le Coran, lui, là, peut pas dire quelque chose qui est absurde. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, je peux le répéter très facilement, Dieu peut dire ce qu'il veut, certes, mais pas n'importe quoi. Et on ne peut pas parler d'un témoignage qui vaut la moitié d'un témoignage. C'est une impossibilité juridique. Si ce verset avait une portée juridique, or il n'a pas une portée juridique. Ce verset s'inscrit dans la codification. Il le dit lui-même au début de son énoncé, la codification d'une dette à terme. Vous voyez, c'est très précis. C'est pour la codification, la mise par écrit d'une dette à terme. Voilà. Alors si vous trouvez, il faut un témoin. Et si vous trouvez un témoin, oui, si vous ne trouvez pas un homme, vous pouvez trouver deux femmes. Mais il donne la raison. Au cas où une oublierait, elle le rappellerait à l'autre. Alors, c'est pas une. Et Ça ne si signe l'homme pas. oublie? Pardon? Et si l'homme oublie? Ah, mais si l'homme oublie, c'est son jugement, lui, qui est engagé. Mais je vais vous dire pourquoi, là, dans ce contexte-là. C'est parce que dans cette période, dans ce moment-là, la femme n'est pas du tout dans les affaires des hommes. Et c'est même le contraire. Moi, je les comprends comme une protection de la femme. Parce que si on exerce. On peut exercer dans cette culture-là, et même dans la culture actuelle, plus de pression sur une femme que sur un homme. Donc ce verset est en train de nous dire que les pressions qu'on pourrait exercer sur le témoin seront compensées parce qu'il y en aura deux. Parce qu'il ne peut pas. Sinon, je vous l'ai dit, c'est le principe de cohérence. Le Coran ne peut pas dire ce que vous avez énoncé, vous, au début. Il y a une égalité en droit, en fondement. Il y a une égalité ontologique de la femme et de l'homme. Ils sont créés d'un nafs wahid. ça ne veut pas dire que la femme est créée de Adam. Ça veut dire qu'ils ont ontologiquement créé de la même chose. D'accord ? On n'est pas dans le récit biblique lorsqu'on regarde l'énoncé coranique. Donc là, c'est une mesure de protection de la femme. Protection de quoi ? Contre l'usurpation, contre la force, la contrainte que l'homme peut exercer dans un domaine là qui n'est pas le sien, celui d'une dette. Vous imaginez les enjeux qu'il y avait à cette époque-là, sur ce terrain-là. Voilà ce que dit ce passage-là. Maintenant qu'il ait été instrumentalisé pour amener, de faire la femme un demi-homme, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je ne dirais pas que c'était le propos. Okay. D'ailleurs, en particulier là-dessus, ce passage-là n'a jamais fait l'objet d'un véritable consensus. Dans le discours, oui, mais pas dans les faits, déjà, parce qu'on a des contre-exemples historiques. Mais par contre, du point de vue de la construction du droit, on a tout fait pour faire de la femme une mineure. Donc on avait une occasion rêvée. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit le propos coranique. C'est-à-dire, moi, je jetterai pas la pierre au Coran, même sur ce verset-là. Autre question, monsieur Schulter. Écoutez, j'ai deux questions. Une à madame. Est-ce que vous êtes d'accord que le rôle de l'abbé Adawiya, du point de vue de l'amour, équivaut un peu à ce que saint Paul a dit? Parce que, en général... Qu'est-ce qu'il a dit saint Paul? Il a dit que Dieu était amour. Et en général, toutes les religions, y compris avant saint Paul, ne parlaient pas beaucoup de l'amour de Dieu. Et saint Paul a dit que l'amour de Dieu... Rabbi Adawi, à mon avis, a dit encore plus. Et j'aimerais, si vous pouvez... de parler là-dessus. Et puis j'aimerais parler à monsieur Al-Ajami Cyril. Vous avez un nom qui est catholique, orthodoxe et musulman. Est-ce que vous pouvez m'expliquer expliquer ça? Et ensuite, vous touchez un sujet qui est plus ou moins tabou. Il y a eu des gens comme Joseph Goldsinger, comme Chartres, qui ont traité de ces problèmes, de cette analyse, il y a peut-être 50, 60 ans, ou non, 80 ans, plus. Et tout à coup, on a un grand silence, et voilà que quelqu'un qui a un nom un peu catholique, un peu orthodoxe et un peu musulman, retraite de ça. C'est vraiment un problème tabou, ça, non? Oui. Merci. Sur la pierre. Oui. Alors, sur la pierre, d'abord... C'est vrai qu'il y a le courant philosophique au sein de l'islam qui est immense, mais il y a aussi le courant mystique. Et le courant mystique, c'est un courant, enfin, je le trouve sublime, que ça soit la mystique arabe ou que ça soit la mystique persane. C'est vraiment un courant plus que magnifique, vraiment qui atteste d'une grande pensée, qui est d'une... J'ai l'impression des fois, quand je lis, que ça soit Attar, ou Ibn Arabi, ou Hallaj, ou d'autres, que ce sont nos contemporains. Par exemple, cette esquisse entre regard et voir, comment Attar dit, en parlant comme ça, enfin aussi dans le parabole, la femme qui dit à son mari, avant tu me regardais, mais maintenant tu me vois. Vraiment, il y a quelque chose comme ça d'extraordinaire. Mais c'est vrai que lorsqu'on travaille sur la mystique, on oublie que c'est vraiment Rabi'a qui a balisé le chemin. Et comme ça, à ma connaissance, vraiment de travail extrêmement sérieux, parce qu'Abdelrahman Badawi était quelqu'un vraiment d'une rigueur, c'était un grand historien, vraiment un grand historien, historien des religions. À part son livre sur Shahidat al-Ishq al-Ilahi, je n'ai pas trouvé d'autre. Et c'est vrai que le premier qui a soulevé la question de Rabi'a, c'est Farid Din Attar. Et extraordinaire, parce que c'est une femme qui arrive dans un livre... j'ai oublié le titre, des sceaux, le sceau des... Non, les saints, quelque chose. Le mémorial des saints. Et donc, elle est parmi 100 hommes. Elle est parmi 100 hommes. Et là, Béra, c'est vrai qu'on peut parler, par exemple, en Occident, de Thérèse d'Avila, mais là, Béra était bien avant, parce qu'elle est morte en 135. 135, et si elle est morte en 135, 137, comme ça, Massignan, dit-on, se trompe, enfin, d'après Abdelrahman Badawi, parce que, n'étant pas historien, je m'appuie toujours sur le travail des historiens, des vrais historiens, donc il dit que si elle est vraiment morte en 135 ou 137 de l'Égypte, c'est-à-dire qu'elle a précédé tous les autres mystiques, et alors, phénomène unique, la seule Rabia, donc est la première femme de la mystique musulmane, est la seule femme. Et sur le Mahabba, justement, alors pour le Mahabba, c'est vrai que c'est un terme coranique, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Et c'est vrai qu'il y a un chapitre auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, qui est vraiment, je n'ai pas toutes mes notes là, mais c'est un grand chapitre dans les Futuhat, qui a été traduit par le traité de l'amour. Mais c'est vrai qu'avant que Ibn Arabi, parce que Ibn Arabi parle d'un amour divin, d'un amour spirituel, d'un amour charnel. Et donc, Rabi'a était la première à parler de Mahabba, disant que c'est le véritable amour. Et j'ai trouvé sa démarche non seulement pionnière, mais une démarche déjà blasphématoire, parce que si Dieu est, comme disait justement Ali ibn Abi Talib, Adam al-Idrak Idrak, hein, c'est-à-dire vraiment ce qui dépasse vraiment le connaissable, il est l'inconnu par excellence, l'irreprésentable, l'innommable, etc. Donc aimer d'un amour l'irreprésentable, c'est quelque chose vraiment qui me paraît inouï du point de vue de la pensée, parce que si elle était chrétienne, j'aurais dit d'accord, comme Sainte Thérèse d'Avila, etc., mais elle est dans un corpus musulman. Simplement, ce qu'on regrette, et il faudrait, je pense que ce colloque inviterait à des travaux, c'est pour ça que je dis, je pars pleine de questions et pleine vraiment de bonheur, parce que des fois, il n'y a pas de réponse. Des fois, la réponse est le malheur de la question, il faut maintenir les questions. Et il faudrait vraiment, je pense, Yuad Madar fi Marja'iyatina, il faudrait refaire ce travail. Pourquoi Rabi'a, la première mystique, c'est-à-dire avant de nous le Misri, et la seule femme mystique, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas bénéficié vraiment de travaux plus importants? Pourquoi il y a ce silence sur Rabi'a? Et c'est vrai aussi qu'elle a essayé de casser le rite, parce que ses paroles, par exemple, sur la Janna, ses paroles sur la Kaaba, elle a dit « Que ferais-je d'une Kaaba? Moi, je désire le Seigneur de la Kaaba. » Et donc, elle n'est pas allée jusqu'à la Kaaba faire le pèlerinage après, quand elle est devenue mystique, mais elle a parlé avec Dieu, enfin Dieu, c'est-à-dire son bien-aimé, oui. Et puis, nous avons tous à l'esprit « Ouhibbuka hubbayni », enfin, le nous avons tous à l'esprit ces très très beaux vers en caleçon à chanter. Monsieur Menkiran, il y avait une deuxième question qu'avait posée. Ah, pardon. Oui. Alors, oui. Oui. Pour mon nom, je vous ajouterai juste que mon Raymond, ça renvoie à l'Andalousie, donc ça vous donnera l'origine du creuset. Pour le tabou, je ne sais pas si c'est un tabou. Je pense que ça naît d'une confusion très ancienne à l'intérieur du discours musulman. Et le discours musulman, depuis le début du réformisme, vers la fin du 19e siècle, a beaucoup parlé de l'islam, de la réforme de l'islam, mais on a oublié de définir l'objet. On en a entendu parler plusieurs fois ces temps-ci, dans ce colloque. Il y a une confusion permanente dans le discours des musulmans et des non-musulmans sur l'islam. Au fond, c'est quoi? Est-ce que c'est le discours islamique? Est-ce que c'est la pratique? Est-ce que c'est ce que les musulmans sont? Et puis finalement, est-ce que l'islam c'est le Coran? Est-ce que, voilà. Ou est-ce que l'islam c'est la Sunna? J'ai parlé tout à l'heure, et je l'ai dit très clairement, que l'idée d'un retour à un islam idéal, c'est un mythe, ça n'a jamais existé. L'islam, comme toutes les religions, a une histoire, c'est une construction qui s'est mise dans le temps. Ça, c'est réellement tabou. Alors que c'est finalement dépend des informations qui sont transmises par les musulmans eux-mêmes. On peut dater les écoles, les controverses, on peut voir quand apparaît réellement la prédominance du hadith, les divergences entre les muhaddithines, la mise au point des critères de sélection, la subjectivité et l'objectivité des critères de sélection, parce que c'est très variable en fonction des intérêts que pouvaient avoir les écoles en fonction de ces hadiths, etc. Mais moi, je crois que si le débat n'est pas posé en ces termes-là, c'est qu'il y a réellement une confusion entre l'islam, le Coran, le prophète, tout ça est un petit peu mélangé. C'est pour ça que je soulignais aimablement à la dame qu'elle avait cité finalement quelque chose qui relevait du domaine coranique et l'autre qui venait d'un hadith, qu'on ne pouvait pas comparer les deux choses et qu'on ne pouvait pas faire porter au Coran ce que le hadith disait. Donc je crois que ce qui nous manque, c'est vraiment d'établir des distinguos, et si on voulait pouvoir avancer dans une réflexion sur l'islam, il faudrait d'abord avoir défini ce que c'est. C'est pour ça que j'ai dit aussi dans mon introduction que moi je ne parlais pas de réforme de l'islam. C'est pas l'islam qu'il faut réformer, parce que la dernière réforme en Europe a fait quelques millions de morts probablement. Je ne vois pas qui voudrait allumer les feux de la guerre, surtout il nous faudrait un nouveau prophète, une nouvelle révélation. Voilà. J'irai encore plus loin si vous voulez. Je dirais on peut étudier le contenu du Coran de Hanif jusqu'au hier. On ne va pas y trouver les éléments constitutifs d'une religion. On va y trouver les éléments constitutifs d'une pensée religieuse, d'une éthique, d'une morale, d'un rapport à Dieu, d'une philosophie, voire à la limite d'une théologie. Mais je ne suis même pas sûr que le Coran soit réellement théologique dans son propos. Mais on n'y trouvera pas les linéaments, les fondements d'une religion. C'est après. Mais ce n'est pas coranique. C'est une... Vous voyez, si je peux donner une image, bon, elle vaudra ce qu'elle voudra, mais... Alors, on a toujours tendance à imaginer l'islam comme les branches qui seraient développées à partir d'un trône, dont le trône serait enraciné dans le Coran. C'est un petit peu la vision qu'ont les musulmans de l'islam, mais par rapport au Coran. Moi, je dis que cette image est fausse, car l'islam n'est pas enraciné dans le Coran. Il est posé, il est bâti sur des fondations coraniques, mais les fondations elles-mêmes disent autre chose. Et sur ces fondations-là, on a bâti un édifice. On y a mis 5 piliers, des murs, spaf, et puis c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est cette confusion en fait terminologique qui fait qu'on ne se penche pas souvent sur cette, ou depuis longtemps, sur cette problématique, ou bien qu'on ne le fait que de l'extérieur de l'islam en tant qu'islamologue. Voilà, Madame Abdelwahed aimerait encore apporter un complément de réponse. Ensuite, il y aura peut-être encore le temps pour une question, Monsieur Benkirane. Oui, alors on verra si vous avez de brèves questions. Et puis ensuite, nous passerons alors au débat final qui clôra notre colloque. Non, parce que vraiment, ce que je souhaite dire, c'est simplement la question de pourquoi est-ce que j'ai les mêmes devoirs et je n'ai pas les mêmes droits. C'est une question qui est tout à fait importante, pertinente. Ça témoigne d'une certaine souffrance des femmes aujourd'hui et d'un certain malaise. Et j'ai l'impression aussi que les événements, là, le soulèvement de la Tunisie, c'était aussi contre ce malaise, c'est-à-dire que contre ce problème de nos gouvernements, le gouvernement du monde arabe, on vous envoie à l'école, vous apprenez à l'université, vous commencez à lire, à écrire, vous lisez aussi bien Joyce que Aisha Ben Shate, aussi bien Hegel, Marguerite Duras que, on va dire, Najib Mahfouz, etc., et vous devez rester les mêmes, c'est-à-dire comme vos arrière-grand-mères, les arrières, les arrières, et les arrières, les arrières. Et je crois que le soulèvement, et ça je reprends le mot de notre collègue iranien, comment il s'appelle ? Oui, quand il disait « il y a pour la première fois un moi qui n'a pas honte de dire « j'existe », en psychanalyse, pour nous, le sujet, ce n'est pas quelqu'un qui se soumet. Au contraire, le sujet, c'est vraiment le sujet du désir, c'est-à-dire celui qui assume une parole, celui qui peut parler en disant un « je ». Pour nous, l'identité, c'est ça. C'est pouvoir dire un « je ». Je pense, donc j'existe. J'éprouve, donc j'existe. Je veux, donc j'existe. Je désire, donc j'existe. Et vraiment, je pense qu'il y a un fossé entre la cécité des gouverneurs et l'aspiration des peuples. un régime plus démocratique, mais nous ne sommes pas, tout à l'heure je parlais de Chatr al-Ba'ir et tout ça, nous sommes des êtres humains, nous avons une pensée, nous avons évolué, nous avons travaillé, nous sommes des intellectuels. Tout à l'heure j'écoutais pendant ces trois jours, mais vraiment avec bonheur et fascination et admiration, des collègues anthropologues, politologues, etc., citaient aussi bien Nadine al-Fadila al-Farabi que Max Weber, etc. Et bien cet être-là, arabe, ne peut pas accepter le joug d'un système, système comme on l'a connu. Donc la revendication des femmes relève de cette même logique. J'existe, j'ai des droits, j'ai un corps, j'ai une pensée, j'ai un désir, il y a des choses que je refuse. Et donc, est-ce que je suis née vraiment de leur Qusayra, donc Qasaratdin ou Aql, etc. Ça ne tient plus. Ça ne tient plus, et donc c'est pour ça qu'il faudrait vraiment être courageux, et c'est toujours très très difficile de dire qu'il y a des failles. Monsieur ce matin disait dans notre propre subjectivité, et ça il faut l'accepter. Et Melhamat al-Harafich, c'est vraiment tout à fait ça. C'est quelqu'un qui dit, mais où est notre faille? Quelle est notre faiblesse? C'est pas simplement le Oumda qui vient me battre, etc. Il y a quelque chose en moi qui n'arrive pas à se construire. Et je pense que vraiment, la question que posait la femme, enfin madame Arbia, elle participe de cette logique. Qu'est-ce qui fait que je paye les impôts, je vais à l'université, je suis là avec vous, etc. Et pourtant, quand je vais voyager, il m'en faudrait quelqu'un. C'est pas possible. Je crois que c'est ça, la vraie question. La vraie question, c'est nous avons grandi. Et il faudrait, c'est là où je reviens à monsieur, nous avons grandi, il faut entendre que nous avons grandi. Alors, réformer l'islam ou référer les musulmans, je vais vraiment prendre juste deux minutes pour vous raconter une blague, parce que mon collègue ami a raconté la sienne. Alors, je raconte la mienne. Vous savez que dans l'islam, la femme hérite du 1/8. Quand elle a des enfants, etc., elle hérite de 1/8. Alors, il y a un homme qui est allé voir le qadi, le juge, il lui dit, je veux répudier ma femme. Et le qadi lui dit, donc le juge lui dit, les choses ont changé, si tu divorces, la femme a droit à la moitié. Ce n'est pas possible, c'est moi qui travaille, c'est moi qui nourris, c'est moi... Et il lui dit, oui, mais elle a fait des enfants, elle travaille également, elle travaille le double de toi parce qu'elle travaille à l'extérieur et à l'intérieur, et les lois ont changé. Alors il a essayé, parce qu'il y a quelque chose qui marche beaucoup dans le monde arabe, la corruption, donc le bakchich, etc. Le juge intègre a refusé. À ce moment-là, le monsieur est allé, il s'est suicidé. Et avant de se suicider, il a laissé un petit mot, tu n'auras que le 1/8. Donc, est-ce qu'on réforme l'islam ou est-ce qu'on impose des changements aux musulmans? C'est vraiment la question. J'ai répondu, on réforme les musulmans. Et s'ils ne veulent pas, il faudrait que des lois. Ah, si vous ne voulez pas, vous voulez exercer une contrainte là où vous vous plaignez de la contrainte. Voilà, je suggère que... Il y a M. Ben Kiran et puis deux personnes au fond. De brèves questions, si vous voulez bien. Ouais, et puis ensuite... Deux courts commentaires. Oui. Par rapport à la présentation de Moreno Al-Ajami, je vois que ce souci de parcimonie, cette analyse littérale mais qui décharge, qui essaie de faire l'économie de l'interprétation, moi j'étais déjà évoqué l'idée que je voyais qu'elle était une analyse que j'appellerais algorithmique du Coran. Et qu'est-ce que j'entends par algorithmique? On a parlé de logique de la citoyenneté, c'est une logique algorithmique, donc tu as évoqué l'idée de quelque chose qui est codé et qu'il s'agit de décoder. Donc c'est une métaphore informatique. Le mot algorithmique signifie, ça vient, c'est le mot le plus, l'algorithme, c'est le mot le plus sophistiqué aujourd'hui pour désigner la résolution d'un problème en une séquence d'étapes finies. C'est au cœur de la transformation de nos sociétés avec la révolution informatique et la communication. C'est lié au nom de Al-Khwarizmi, qui est un mathématicien et qui est un des inventeurs de l'algèbre. Et c'est vrai que ça peut paraître extrêmement réducteur, mais ça m'évoque, dans l'histoire des mathématiques, il y avait le rêve de vouloir codifier le raisonnement et la logique mathématique. Et à travers un théorème qui est très fameux, le théorème d'incomplétude de Kurt Gödel, il a été anéanti, ce rêve qui était un rêve qui durait depuis des siècles. Alors c'était un échec glorieux, dans le sens que ça a été un échec de vouloir codifier de manière, de faire le raisonnement logico-mathématique quelque chose d'un système parfait, complet, mais étrangement, ça a été à la source de la naissance de l'informatique théorique. Et donc ce codage binaire aujourd'hui, 1-0, ça peut sembler extrêmement réducteur, et regardez les transformations que ça a engendré. Et je vois dans cette analyse minimale, réductrice, mais de type algorithmique, qui répond à notre idée, quelque chose qui libérerait la question du sens et qui pourrait peut-être permettre une production du sens en déchargeant du Coran, disons, cette invention du sens. Est-ce que je me trompe en analysant ta méthode selon cette question? Et enfin, par rapport à l'exposé de Houlia Abdelwahed, très dense, on a évoqué la peur. Moi, je pense qu'il y a une peur. Le problème de la femme est étroitement lié à si elle ne règle pas cette question, la traite pas en profondeur, dans sa cavité qui fait peur, on peut pas parler de citoyenneté. Donc, on est au cœur du débat, et c'est vrai que là, il y a un travail. Et je dirais que ce problème, il y a une peur de la femme, il y a une peur de l'élément féminin. Et justement, je te remercie, tu as évoqué la dimension spirituelle, tu nous as donné une voie de sortie aussi à travers cet élément. Et simplement, c'est une invitation. Je sais que nous avons parlé du rôle de l'art ou de la création, etc. Alors, je ne sais pas, est-ce que... nous vivons dans un écrin de verdure. C'est vrai que nous vivons dans un monde qui est plein de laideur, qui est en quête de beauté, un monde parfois aux allures de cadavres. Hein. Qu'est-ce que t'inspires ? Je sais que tu as évoqué des éléments de spiritualité. Est-ce que tu peux nous évoquer ou apporter un îlot de beauté à travers, je ne sais pas, un élément poétique que tu décrirais ou que tu chanterais ? Je sais que tu t'intéresses à Ibn Arabi, à Hallaj, alors... Voilà, peut-être avoir quelque chose comme ça dans ce colloque qui nous donnerait une dimension de beauté. Est-ce que je peux demander encore les deux autres questions? Est-ce que les deux autres personnes, Leïla El Bachiri, et puis pourraient également poser leurs questions, et ensuite on pourrait arriver aux remarques conclusives de ce débat final. Merci. Donc Leïla El Bachiri. Je voulais remercier très chaleureusement Madame Houlia Abdelwahed. C'est la seule femme du colloque, et la question de la femme est quand même une chose centrale. Et revenir sur sa conclusion concernant la conception de la femme véhiculée par Fardawi, qui a également été relevée par Mohamed Shahroura, c'est ça, lorsqu'il a été dans une mosquée, et que l'analyse du déclin de la société était liée au dévoilement de la femme. Il se trouve que, très brièvement, j'ai réalisé une thèse sur la place de la femme dans les discours véhiculés par les frères musulmans et les salafistes à Bruxelles. Et en fait, au niveau de la conception de la place de la femme dans la société, c'est une conception que l'on retrouve également chez les islamistes, qui est une conception fonctionnaliste de la société. C'est-à-dire que l'ordre social est basé sur l'ordre familial, basé sur la dualité entre la sphère privée et de dépendance où la femme doit être reléguée, et la sphère publique du pouvoir où l'homme dirige quelque part la société. Et en fait, au nom de la dite identité islamique transmise par la femme, eh bien, on focalise tout dans le discours islamiste et dans les discours de réislamisation sur le contrôle de la femme à travers leur voilement, la biologisation des rôles. Et je vous invite vivement, par exemple, à lire le livre de Shahra Shafiq, Islam politique, genre et sexe, où elle met bien en évidence que la question du genre est au centre de l'islamisme. Alors aujourd'hui, par rapport à la question du printemps arabe, on voit bien qu'un des enjeux fondamental est le code de la famille. Le code de la famille qui s'inspire de la charia. Et les principales actrices de la démocratisation depuis des décennies sont les féministes arabes. qui, depuis le début du XXe siècle, revendique des réformes du code de la famille qui institutionnalise le rapport hiérarchique des sexes au nom de l'islam, et elle demande des réformes pour l'égalité. On voit qu'il y a eu des avancements au niveau du Maroc, mais l'inégalité reste justement au nom de cette dite identité liée à la préservation de la chaléra. Et en fait, aujourd'hui, avec des gouvernements qui sont dominés justement par les acteurs islamistes qui ont pour rhétorique principale l'identité islamique, et comme je partage complètement ce que disait Horia concernant la définition de l'identité en tant que construction, en tant que c'est en devenir, et évidemment on parle toujours d'une identité figée islamique aujourd'hui, mais depuis la naissance de l'islam, la pensée islamique s'est nourrie des autres pensées grecques, perses, etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une posture idéologique que de poser l'Occident comme externe, alors que nous devons aujourd'hui prôner un humanisme partageable. Je reviens uniquement sur ma question. Que pensez-vous de cette nouvelle forme du féminisme islamique qui prône une exégèse féministe des textes coraniques? Voilà. Désolée d'avoir été un peu mal. Encore la dernière question. Est-ce qu'il y a encore une personne qui voulait? Oui. Oui, bonjour. Ma question, c'est pour M. Lajmi. Je voudrais savoir, peut-être que la réponse va être longue, mais au moins donnez-nous juste une piste de réponse. C'est pour, et ça, au fond, je pense que ça s'inscrit totalement dans le débat de la sécularisation. C'est que, quel est dans le Coran, et simplement dans le Coran, la définition du kafir? Donc, on peut le traduire comme non-croyant, mais je pense qu'il y a une définition plus précise que ça. Quelle est la définition du kafir, donc du non-croyant, et quel est son sort dans le Coran? Alors, je propose maintenant à nos deux intervenants de formuler une réponse rapide aussi, parce que le temps avance aux questions qui ont été posées. Et ensuite, je les remercierai encore en faisant deux petits commentaires de biblistes, parce que leurs deux interventions pourraient intéresser aussi un cercle beaucoup plus vaste. Comme ça, très rapidement. Parce que, oui, très très très rapidement, la question donc du féminin, c'est une question, comme je disais tout à l'heure, depuis Aristote, de la génération des animaux, il y avait vraiment un dénigrement de la femme, puisque naître fille, c'est déjà quelque chose qui relève d'un accident, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment toute la puissance individuelle et générique. Donc c'est pour ça que l'être naissait fille. Et donc je pense que vraiment c'est quelque chose qui a traversé les siècles jusqu'à présent. Donc c'est pas quelque chose de qui est propre à l'islam, parce que dans la Bible c'est alors mon collègue, enfin mon oui, collègue le président va me corriger. Donc dans la Bible elle dit excuse-moi Seigneur, parce que toi qui m'as fait femme, quelque chose comme ça. Donc l'homme remercie Dieu qui l'a fait homme. C'est dans les hadiths. Oui, qu'est-ce que... Non, c'est une prière juive. Comment? C'est une prière juive. Oui, c'est ce que je dis. Mais c'est pas dans la Torah, c'est pas dans l'Ancien Testament. C'est une prière juive. Donc c'est... Non, mais pour dire, c'est quelque chose qui traverse les siècles, les temps, les sociétés, etc. Donc, nouvelle forme d'exégèse islamique, ça vraiment, il faut voir ce que ça va donner. Je connais pas très très bien le sujet vraiment pour pouvoir répondre. Et je préfère dire ça plutôt que donner une réponse erronée. Donc vraiment, je ne connais pas du tout ces nouvelles formes. Et il faudrait effectivement suivre le mouvement qui, je pense, qui est un mouvement prometteur, en tout cas. Prometteur parce que tout à l'heure, donc, on parlait de « j'existe ». Donc il faudrait aussi que le monde se transforme et suive le mouvement qui est un mouvement d'évolution, et quand on n'évolue pas, on est condamné à mourir. Donc je pense que c'est une parole qui concerne vraiment tous les Arabes. On est condamné à évoluer. On est condamné. Et Pierre Aulagnier disait, c'est une psychanalyste, on est condamné à investir, c'est-à-dire à investir les nouvelles formes d'existence, aussi bien sociales qu'économiques et politiques, etc., pour ne pas s'éteindre. Vraiment, on est condamné à évoluer. Puis c'est un plaisir aussi de connaître un autre sort. Bon, Reda, je ne pourrais pas dire les choses mieux que tu les as formulées. Donc, je valide tout à fait la notion d'algorithmique. De toute façon, c'est ce qui est à l'œuvre dans la pensée lorsqu'elle fait, mène une véritable recherche. Tout le reste est interprétation, c'est-à-dire non scientifique. C'est quelque part, finalement, aussi simple que ça. Parce qu'on est habitué à avoir une démarche scientifique vis-à-vis d'un texte qu'on considère sacré. Et là, j'élargis à l'ensemble des textes sacrés. C'est au contraire, ces textes-là sont vraiment des représentations de subjectivité. Et c'est pour ça qu'à la limite, la recherche d'objectivité face au sacré peut presque choquer, en quelque sorte. Mais sinon, je partage tout à fait ta description. Pour la question que vous avez posée, bon, c'est vrai qu'on pourrait y répondre très, très longuement, donc je vais le faire très brièvement. Le mot kafir dans le Coran, c'est un néologisme, parce que le mot kafir chez les Arabes est connu, mais il désigne l'agriculteur, le semeur, très exactement, celui qui enfouit les graines sous le sol. Donc là, on n'est pas dans la métaphore filet animal, mais on est dans l'agriculture. Et ça suppose quelque chose, mon kafir, c'est qu'on cache quelque chose que l'on connaît déjà. Ça, c'est une notion très importante. Alors, toutes les traductions, toutes les approches de ce terme qui le rendraient par mécréant, païen, impie, enfin, on a tout vu, on a tout entendu à ce niveau-là, ne reproduisent pas du tout le mot kafir. Alors, je dis que c'est un néologisme, parce que dans le Coran, on le trouve utilisé dans un verset avec le sens d'agriculteur, paysan, mais en général, dans tous les autres contextes, ce mot-là a une signification très précise. Donc, même kafara, kafara bil-iman, c'est précisé, donc c'est celui qui cache sa propre foi. C'est quoi? C'est un acte de déni. Et la meilleure traduction, donc il y a un énoncé coranique là-dessus qui dit que finalement, fitra, c'est que tout le monde connaît du point de vue, c'est une innéité, possède en lui la connaissance du Seigneur, à l'algérienne. Et c'est dit dans le Coran, il y a un verset très célèbre, on parle de Mithaq, où Dieu dit Alastu bi rabbikum, d'extraire l'humanité des reins, non pas des reins d'Adam, mais des reins des fils d'Adam. Encore un autre détail, et il leur dit Alastu bi rabbikum, ben là, sûr. Donc, ça veut dire que le Coran part d'un principe totalement juste pour qu'il y ait du sens téléologique et théologique au message coranique. Il faut que tous les êtres humains possèdent en eux la connaissance de l'existence seigneuriale. C'est ce qui est attesté à cet endroit-là. Ensuite, le kafir, c'est quoi? D'une façon ou d'une autre, c'est quelqu'un qui va dénier en lui-même la connaissance de cette propre foi. C'est un acte kafir, c'est un fa'il, c'est un acte volontaire. C'est pas un acte involontaire. Donc la meilleure traduction de kafir, on la doit à Jacques Berck, c'est dénégateur, puisque dénégateur est un vieux terme du 19e siècle qui qualifie celui qui dénie quelque chose. Et on a un vrai acte de déni dans le couvre. Voilà. Quant à son devenir dans l'au-delà, c'est ce que vous aviez demandé aussi, bah, il appartient à Dieu, il n'appartient pas aux hommes. Il n'y a aucun verset qui demande aux musulmans ou aux hommes d'aller juger le fort intérieur de quelqu'un, parce que ce débat-là, c'est quelque chose qui appartient à l'être. Et aucun verset du Coran ne renvoie le couf à un jugement d'ici-bas dans lequel les hommes pourraient interférer. C'est une notion qui s'arrangera entre le concerné principal, c'est-à-dire c'est-à-dire un dieu, un rab, celui qui s'était présenté à l'astubera avecum, c'est lui qui va s'entendre avec l'autre. Et d'ailleurs, il y a un verset qui rappelle cet événement, qui leur a dit, alors, et maintenant vous dites quoi? Vous voyez? Donc ça renvoie à ce débat intérieur qui a été malmené par l'individu. Donc dénégateur. Écoutez, je pense que oui, si on peut. Azab. Oui, mais c'est d'akhira. C'est ça, c'est ça la question que je pose. Donc, c'est par rapport à lui, la compléter. Donc, on parle plus sûr de cette personne-là dans l'au-delà. Oui. Dans l'au-delà, ça a été évoqué ce matin, je crois, par le professeur. professeur Shahrukh. L'au-delà, c'est une donnée textuelle du Coran. On ne peut pas la négliger. Maintenant, je vais vous faire une observation et je maintiendrai là. Pour ce qui, lorsque le Coran parle de Jannah, le côté positif, il dit Masalul Jannah, Masal. Mais lorsqu'il parle de l'enfer, jamais. Vous ne trouverez jamais un verset qui dit Masal Annar ou Jahannam. Oui. L'irreprésentable. Oui. Mes chers amis. Irreprésentable. J'ai l'impression pour l'au-delà, il faudra un nouveau colloque. J'aimerais. Excusez-moi, au Maroc, les oulémas ont demandé la condamnation à mort de l'apostat. Oui. Les ulamas, il n'y a pas de problème. Il y a consensus dans le madhab malikite maghrébin, et d'ailleurs dans les autres madhaïbs, il y avait que les hanafites, si ma mémoire est bonne, qui avaient émis des hypothèses divergentes, mais il y a un quasi-consensus chez les ulamas de la mise en mort de l'apostat. Mais encore une fois, le point de vue des ulamas, c'est-à-dire ce qui est constitutif de l'islam, c'est pas le discours coranique. Vous ne trouverez pas dans le Coran une condamnation ici-bas de l'apostat, ni d'ailleurs de l'incroyant. Vous ne le trouverez pas dans le Coran, mais vous le trouvez dans l'islam. Moi, si vous voulez discuter du contenu de l'islam, vous avez tout à fait le droit. Et discuter du contenu de l'islam et discuter du message ou du propos coranique, c'est différent. Ce sont deux choses parallèles en réalité. Et puis, on peut même, je parlais tout à l'heure de strates, on peut vraiment voir les strates sédimentées au-dessus du texte. On les suit dans le temps et dans la construction, dans l'intensité. On peut même retracer des fois les controverses à travers les différents hadiths, etc. Il y a tout un travail qui est tout à fait, j'appelle ça de l'archéologie, qui est tout à fait possible. Je vous remercie beaucoup. J'aimerais donc juste terminer en remerciant Monsieur Moreno Adjami de cette belle conférence, ce plaidoyer contre une exégèse herméneutique. Pour un bibliste comme moi, c'est évidemment quelque chose, dans un sens, c'est presque un appel à la guerre. Mais en même temps, en écoutant la manière dont il a répondu aux questions, je me dis, il y a dans cet effort de réduction, n'est-ce pas, au fond, réduire ce qu'on dit à partir d'un texte à ce qu'on peut réellement dire, quelque chose de tout à fait admirable et qui d'un autre côté rejoint aussi le souci, par exemple, d'une exégèse historico-critique. Maintenant, madame. C'est un appel à la paix, c'est pas un appel à la paix. Non, bien sûr. J'ai bien compris qu'il n'y avait pas de visée polémique dans votre. Mais disons, le langage sur lequel vous avez commencé. Pour un bibliste, eh bien voilà, on a des instituts d'herméneutique. Enfin, l'herméneutique est un mot, un peu un mot fétiche. D'ailleurs, bon, dont l'étoile commence à pâlir un petit peu quand même, ça je vous l'accorde. Je voulais aussi dire à Madame Abdelwahed que cette éloge qu'elle a faite de la mystique d'Ibn Arabi m'a beaucoup plu, n'est-ce pas ? Et puis que il y aurait là aussi un équivalent dans la littérature biblique avec le Cantique des Cantiques, oui. Qui est en fait un poème, qui est au fond une anthologie de poèmes de chants du désir, de chants du désir féminin, de chants du désir masculin, et que au fond l'interprétation de ce Cantique des Cantiques a d'emblée fait l'objet de grandes controverses, n'est-ce pas ? Et c'est un livre à la fois extrêmement estimé, mais dont l'ensemble des autorités, qu'elles soient juives ou chrétiennes, ont toujours eu très peur. Et en même temps, c'est un livre, effectivement, qui a une qualité subversive et libératrice, n'est-ce pas ? Parce que si vous lisez l'ensemble du Cantique des Cantiques, vous serez absolument ému. Comment des choses pareilles peuvent-elles se trouver dans la Bible ? Et puis en même temps, aucune image, n'est-ce pas ? Par exemple, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de beau-père, il n'y a pas de frère. Il n'y a que des hommes et des femmes qui éprouvent la nostalgie l'un pour l'autre, et puis parfois ceux qui empêchent ou voudraient empêcher leur rencontre. Mais c'est un espace poétique créé qui joue un rôle extrêmement important, je pense, pour tout le reste de la littérature biblique, comme une sorte de possible imaginaire, et puis évidemment aussi réel. Voilà, j'aimerais en tout cas remettre la présidence du du congrès maintenant à celui qui... 15 minutes de pause. Et en tout cas, merci infiniment à nos deux invités d'aujourd'hui. Et à bientôt.